Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 82. De la dévotion. Que la dévotion est un acte spécial, un acte de la religion, qui trouve son aliment dans la méditation, et dont l'effet est la joie. 1. La dévotion est-elle un acte spécial? Dévotion vient de dévouer, voilà pourquoi on appelle dévot les hommes qui se dévouent à Dieu pour lui être entièrement soumis. Les païens eux-mêmes donnaient ce qualificatif à ceux qui s'offraient aux idoles pour le salut d'une armée, comme Tite livre le rapport des deux Décius. Dans cette acception, la dévotion n'est autre que la volonté de se livrer promptement au culte de Dieu. Et de là ces paroles de l'Écriture, les enfants d'Israël offrirent au Seigneur avec un esprit rempli de dévotion les prémices de leur bien. Exode 35, 20 et 21. La volonté de faire immédiatement et avec dévouement ce qui se rapporte au service de Dieu est un acte spécial, la dévotion elle-même forme donc un acte spécial de la volonté. Note. La dévotion, acte spécial de la volonté se consacrant au service de Dieu, se retrouve dans les autres actes spirituels et corporels, comme la vertu du moteur dans le mouvement. Fin de la note. 2. La dévotion est-elle un acte de la religion? Vouloir une chose et la vouloir promptement appartenant à la même vertu, la religion, qui nous porte à tous les actes du culte divin, doit les vouloir avec dévouement, c'est-à-dire avec dévotion, donc la dévotion est un acte de la religion. Note. Quelques-uns prétendent que la dévotion est plutôt un acte de la charité que de la religion. Elle procède, il est vrai, d'une manière médiate, de la charité, qui est le principe de la religion elle-même, mais elle appartient immédiatement à la religion, par laquelle l'homme s'offre à Dieu pour accomplir les œuvres du culte. Du reste, la charité et la dévotion se prêtent un mutuel appui, la charité fait naître le zèle ou la dévotion pour l'objet aimé, et la dévotion, à son tour, alimente la charité, comme les rapports intimes et les soins touchants nourrissent l'amitié. Que l'on ne nous objecte pas la dévotion envers les saints, pour prouver que la dévotion n'est pas un acte de la religion, qui ne se rapporte qu'à Dieu seul. La dévotion envers les saints ne s'arrête pas aux saints eux-mêmes, nous honorons Dieu, l'auteur de toute sainteté, dans ses fidèles serviteurs. Fin de la note. 3. La méditation est-elle la cause de la dévotion? La cause extrinsèque et principale de la dévotion n'est autre que Dieu même, dont saint Ambroise dit, il appelle qui il veut, rempli de religion qui il veut, et, s'il l'avait voulu, il aurait changé l'impiété des Samaritains en dévotion. Mais, en ce qui est de nous, la cause intrinsèque de la dévotion n'est pas ailleurs que dans la méditation ou la contemplation. En effet, tout acte de la volonté venant à la suite d'une considération quelconque, la dévotion est principalement produite par la méditation. La volonté, dit saint Augustin, procède de l'intelligence. Réfléchissons-nous, d'un côté, sur la bonté de Dieu et sur ses bienfaits, nous prenons la résolution de nous unir à notre souverain maître, selon ses paroles de David. Il m'est bon de m'attacher à Dieu et de mettre mon espérance dans le Seigneur. Psaume 72, 28. Considérons-nous, d'un autre côté, notre impuissance et le besoin que nous avons de l'assistance divine. Nous nous écrions avec le même prophète, « J'ai élevé les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Psaume 120, 1. Note. Pour arriver à la dévotion, la méditation des vérités qui vont au cœur est préférable à tout autre, les choses sensibles étant nécessaires pour l'amour et la connaissance des choses divines. Rien n'introduit mieux la dévotion dans les âmes que l'humanité de Jésus-Christ, dont il est dit dans la préface de Noël, connu visiblement, il nous élève à l'amour, des choses invisibles. Fin de la note. 4. La joie est-elle un effet de la dévotion? La dévotion découle primordialement de la considération de la bonté divine. Sous ce rapport, elle fait naître directement la joie, suivant cette parole de David, « Je me suis souvenu de Dieu, et j'ai trouvé la joie », Psaume 76, 4. Puis elle produit indirectement une certaine tristesse dans l'âme qui ne jouit pas encore pleinement de Dieu. Aussi le même prophète s'écrie ailleurs, « Mon âme est altérée du Dieu vivant. Mes larmes m'ont servi de pain le jour et la nuit. » Psaume 41, 3 et 4. La dévotion provient secondairement de la considération de nos propres défauts. Or ici elle suit une marche opposée à la première. Elle engendre directement la tristesse, en nous montrant nos propres misères, et indirectement la joie, par l'espoir qu'elle nous donne de recevoir les secours divins. Nous sommes ainsi fondés à dire que la dévotion produit primordialement et par elle-même la joie, secondairement et par accident, la tristesse selon Dieu. Note. Dans la méditation sur la passion du Sauveur, nous trouvons des choses qui affligent l'âme et d'autres qui la réjouissent. Les misères de la nature humaine et les péchés qui ont causé de telles souffrances, voilà ce qui porte la tristesse en nous, la bonté divine qui nous a délivrés de si grands maux, voilà ce qui produit la joie. Remarquons-le toutefois, les larmes naissent non seulement de la tristesse, mais encore d'une affection tendre, surtout quand la joie est mêlée à la douleur. Celles que la dévotion fait couler sont souvent des larmes de joie, assez semblable à celle qui s'échappe des yeux d'une mère retrouvant un fils qu'elle croyait perdu. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.